Non, mais il a raison, je peux pas les piffrer, eux. Non, mais il a raison. Non, mais il a raison, je peux pas les piffrer, eux. Non, mais il a raison, je peux... Non, mais il a raison, je peux pas les piffrer, eux. Non, mais il a raison, je peux pas les piffrer, eux. Elle l'a dit hier, elle doit trier les prisonniers. Tu penses qu'on peut compter sur Langue d'Acier pour ça? Elle l'a dit hier, elle doit trier les prisonniers. Tu penses qu'on peut compter sur Langue d'Acier pour ça? Elle l'a dit hier, elle doit trier les prisonniers. Tu penses qu'on peut compter sur Langue d'Acier pour ça? Elle l'a dit hier, elle doit... Elle l'a dit hier, elle doit trier les prisonniers. Tu penses qu'on peut compter sur Langue d'Acier pour ça? Ça me rend malade de savoir qu'une dame aussi distinguée doit traiter avec ce visqueux. Ça me rend malade de savoir qu'une dame aussi distinguée doit traiter avec le visqueux. Ça me rend malade de savoir qu'une dame aussi distinguée doit traiter avec ce visqueux. Ça me rend malade de savoir qu'une dame aussi distinguée doit traiter avec ce visqueux. Impossible de savoir ça. Le seigneur Wishcraft a quand même besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Impossible de savoir ça. Le seigneur Wishcraft a quand même besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Impossible de savoir ça. Le seigneur Wishcraft a quand même besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Impossible de savoir ça. Le seigneur Wishcraft a quand même besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Le seigneur Wishcraft a quand même besoin de beaucoup de main-d'œuvre. J'aurais voulu être dans la tente, tiens. J'aurais voulu être dans la tente, tiens. J'aurais voulu être dans la tente, tiens.